C'est GTA. Escamikas pour l'instru. Délicat prod, yeah. Tu vas en cours mais t'en profites pas. En affichant profil bas, écoute, baisse pas les bras, relève la tête quand le profit parle. La flemme on y prend vite pas. Évidemment je l'ai côtoyé, j'ai dû faire un crédit d'un montant qui équivaut à 4 loyers. Le poids sur les épaules, j'ai dû baisser les bras. On m'a donné 2-3 coups de main, ce fut un moment célébrable. Car j'ai reconnu le vrai ami des sauts. Disons ceux qui me désolent, heureusement que ça fait 10 ans que j'ai mes sauces. Alors comprends pourquoi je me lève à 4h du matin pas. Durement du matelas, celui qui me contredit matin pas. Dis-moi si la chance fait partie de ton répertoire. Repeins ta vie, t'emmêle pas les pinceaux, prends pas la rue pour toile. Tu vois le tableau, n'aie pas peur d'afficher tes ambitions. Moi j'ai lâché le foot, j'ai quitté mes 10 ans de passion. Que je regrette à tout moment, mais je garde la tête haute. Attends pas que le temps passe, y'a pas d'étoile dans ton hall. Sans disnis, bif, lève la tête. Cette vie paisible, faut qu'on l'atteigne. Saute vite dans le vide, contente la perche. Évite le vice, rien t'en empêche. Sans disnis, bif, lève la tête. Cette vie paisible, faut qu'on l'atteigne. Saute vite dans le vide, contente la perche. Évite le vice, rien t'en. Ok, relève la tête gros, t'as le menton sur le gravillon. Au lieu de manger des pierres, pense à acheter un pavillon. Perds pas l'espoir gros, ça sert à rien, eh. J'suis pas le pilote, la vie c'est pas Colin Macra, eh. Sors la tête du guiguidon pour mieux te guiguider. Bah dididon, toi t'es pas rempli de dididé. T'as pas le mental mon gros, mais je t'assure c'est pas une fin en soi. Y'a toujours de l'espoir, même pour l'enfant sur sa balance. Sois Pic Balthazar, écoute ce que j'y vais, fais pas ce que j'fais. J'regarde toujours tout droit quand je sais pas où j'vais. Relève la tête, t'as la place pour te relever. Ou avance pour les autres devant une arme et les bras levés. Aujourd'hui la fierté est un fruit que l'on cultive. Parfois indigeste, il est plus contraignant, ouais cutie. Mais pour mon pote, on le mange tous à une sauce bien typique. Vas-y relève la tête, ma théorie n'est pas utopique. Sans disnis, bif, lève la tête. Cette vie paisible, faut qu'on l'atteigne. Saute vite dans le vide, contente la perche. Évite le vice, rien t'en empêche. Sans disnis, bif, lève la tête. Cette vie paisible, faut qu'on l'atteigne. Saute vite dans le vide, contente la perche. Évite le vice, rien t'en empêche. T'as perdu le goût de vivre, le mal-être s'installe au profond de toi. Te ronge et tu construis ta propre tombe. Ton seul espoir de vivre libre, c'est te peindre au lustre. Tes tentatives ont toutes foiré, t'es tout mou comme un mollusque. Tu cries au secours, personne t'entend, même pas ton courage, même pas les potes que t'as pas ou les parents que tu connais pas. Même pas la femme qui se fait baiser par un type auprès de mon liste. T'as tout perdu vraiment et tu crois plus aux belles promesses. Relève la tête, t'as encore rien vu de la vie, c'est bête. Tu connais que c'est peine, va voir ailleurs, y'a des plans peut-être. Bouge-toi, ferme plus les yeux et dans ta life fais du toupé. Booste-toi, patiente, t'auras ta chance comme coupé. Relève la tête, la laisse pas te promener comme un toutou. Tu finiras un collier autour du cou comme Jeanne Coucou. Même si le poids de la déception reste gros boulimique, relève la tête et combat-le, telle doit être ta politique. Sans disnis, bif, lève la tête. Cette vie paisible, faut qu'on l'atteigne. Saute vite dans le vide, contente la perche. Évite le vice, rien t'en empêche. Sans disnis, bif, lève la tête. Cette vie paisible, faut qu'on l'atteigne. Saute vite dans le vide, contente la perche. Évite le vice, rien t'en empêche.